الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه، فما أسعدكم إن أطعتم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه الإمام البخاري. الغريب هو المقيم في غير بلده لقضاء حاجة، يستعد لمغادرة ذلك البلد متى تمكن من ذلك. وعابر السبيل هو المسافر الذي يمر بالبلاد مروراً دون إقامة بها حتى ينتهي من سفره. ودار الغربة وعبور السبيل في هذا الحديث هي الدنيا، والسير فيها للآخرة، وذلك إنما يكون بتذكر الموت وقصر الأمل والاستعداد فيها للآخرة بالأعمال الصالحة، كما قال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. على المسلم أن يترقب الموت ويستعد له بالعمل الصالح، وذلك في نهاره كأنه لا يدرك المساء، وفي ليله كأنه لا يدرك الصباح، وفي حال صحته قبل أن يأتيه ما يعوقه من ذلك كالمرض والكبر، وأن يعمر حياته بالأعمال الصالحة قبل أن يفاجئه الموت فينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحياة الدنيا وانتهائها، وأنها ليست بدار قرار، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصححه الألباني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، دقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كدي Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a pris par les épaules. Il a mis sa main, alayhi wa sallam, sur les épaules de Abdullah, radiallahu anhu. Et il lui dit, sois dans ce bas monde comme un étranger ou un passant, quelqu'un qui est de passage, de transit. Et Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, en citant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rajoute comme explication détaillée de cette parole du prophète alayhi salatu wa sallam. Et il disait, radiallahu anhu, lorsque tu es au soir, n'attends pas la matinée. Et lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Profite de ta bonne santé avant d'être touché par la maladie. Et profite de ta vie avant d'être touché par la mort. Le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Al-Gharib, on traduit par l'étranger, c'est celui qui réside dans un lieu qui n'est pas son pays, qui n'est pas sa région, pour un besoin, une utilité, et qui se prépare à un moment ou l'autre de quitter cet endroit pour retourner dans son pays, dans sa région, dès que le moment opportun arrive. Abirus Sabil, c'est celui qui est de passage, en transit. C'est le voyageur qui passe par des pays, par des régions. Il est seulement de passage. Il ne réside pas là jusqu'à terminer son voyage. La demeure qu'on appelle Darul Ghurba, c'est l'endroit, le lieu de résidence qui n'est pas le lieu d'origine de la personne. Et Ubur al-Sabil, le lieu de passage, de transit, dans ce hadith, ce qu'il voulait par ces termes, c'est ce bas monde. Voilà la situation de ce bas monde. Et la personne, elle est en voyage. Elle est de passage pour aller vers l'au-delà. Et ceci, la personne ne peut le concevoir, l'assimiler, que par le rappel de la mort. De ne pas avoir de grand espoir, de diminuer l'espoir qu'il a dans ce bas monde et de se préparer convenablement pour l'au-delà en appliquant, en pratiquant les bonnes œuvres. Comme Allah nous le dit dans le sens du verset, et prenez vos provisions, certes la meilleure des provisions, c'est la piété. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, nous cite dans son sahih, dans son authentique, d'après le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui a dit, ce bas monde est parti derrière nous, et on fait face, il se rapproche de nous, il y a l'au-delà. Et chaque demeure, cette vie d'ici-bas, et l'au-delà, chacune de ces deux demeures, elle a des habitants, elle a des gens qui s'y adonnent pour elle, soit pour ce bas monde, ou soit pour l'au-delà. Soyez donc parmi les gens qui s'adonnent pour l'au-delà, pour ceux qui recherchent l'au-delà. Et ne soyez pas les enfants, ceux qui s'attardent et qui s'adonnent pour ce bas monde. Car aujourd'hui, dans ce bas monde, c'est la demeure dans laquelle on peut œuvrer. Il n'y a pas encore le jugement. Et demain, ça sera un jugement qui nous attend, mais ça sera une demeure dans laquelle on ne peut œuvrer. Il incombe à chaque musulman de se préparer pour la mort. De se préparer pour la mort en accomplissant les bonnes œuvres, en faisant preuve de droiture. Il le fait dans sa journée, comme la personne qui n'attend pas le soir. Il le fait dans sa soirée, comme la personne qui n'attend pas le lendemain matin. Il le fait en état de bonne santé, avant qu'il ait touché par un empêchement, quelque chose qui ne va pas le laisser accomplir les bonnes œuvres, comme la maladie, la vieillesse, etc. Il se doit de remplir sa vie par les bonnes œuvres avant d'être touché brusquement par la mort. Et là, il quitte la demeure des œuvres vers la demeure de la rétribution. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous clarifie cela, clarifie l'état même de ce bas monde, et comme quoi elle est éphémère, elle viendra à terminer, et que ce n'est pas la demeure qui perdure. Dans sa parole, alayhi salatu wassalam, qu'ai-je à voir avec ce bas monde? Je ne suis que l'exemple d'un cavalier qui s'est reposé à l'ombre d'un arbre, puis s'est levé et il est parti en délaissant cet endroit. Rapporté par At-Tirmidhi et autres, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, et authentifié par Al-Albani. اللهم ردنا إلى دينك دين جميلة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.